Play it again, Max. Sitôt les vacances scolaires finies, la souris danse. Après sa saison au pied bleu, le tromboniste Gene Connors est enfin retourné à Copenhague. Faustine renoue avec les déjeuners hebdomadaires à l'auberge de Tourette et les 2 à 4 du samedi soir dans la chambre secrète du vieux Cagne. Les 2 à 4, cela signifie que Faustine se débrouille pour rester réveillée jusqu'à minuit. Première performance. Ensuite, elle se vêt, se maquille, puis roule jusqu'à Cagnes. Là, elle se planque dans une encoignure de porte à proximité du pied bleu, où elle est désormais interdite de séjour, attendant que Maxime sorte. Ensemble, ils parcourent les vieilles rues jusqu'à la maison suisse. Pour mémoire, une maison dans laquelle sa belle-mère fait le ménage et dont il s'est procuré un double des clés. Après leur galipette, elle fait le chemin en sens inverse vers 4 heures du matin. S'ajoute à cela quelques soirées prétendument passées par Maxime à la filiale de Montpellier, mais en vérité à la Marie-Garde, dans le nid douillet de Faustine. La pension est bonne, noix de veau, filet de bœuf, gratin dauphinois, tarte aux pommes feuilletées. Ici, on connaît le langage de l'estomac aussi bien que celui de l'amour charnel. Surtout, le prix de la viande en France n'a rien de comparable avec celui pratiqué en Suisse. Et les expatriés peuvent enfin s'en donner à bouche que veux-tu. Fidèle à son plan, Maxime avance ses pions et fourbit ses armes. Il étudie scrupuleusement le tableau des offres d'emploi à l'interne dans son usine de Saint-Genis. Il achète tous les journaux utiles concernant les possibilités à l'étranger, à charge pour Faustine de les éplucher sommairement. Il se renseigne également sur les conditions à remplir pour un employeur étranger qui souhaiterait engager un travailleur immigré français. Aux États-Unis, par exemple, un tel entrepreneur doit commencer par recruter dans son propre pays, démontrer qu'il ne trouve personne de compétent pour le job concerné avant d'obtenir un permis provisoire. Dans le magazine Coopération, Maxime a trouvé plusieurs petites annonces intéressantes. À son usine aussi, on recherche du monde pour certaines filiales américaines. Ça lui permettrait de rester dans la même boîte, de conserver les acquis, points d'ancienneté, de retraite, etc. Mais ce cas de figure signifie qu'il sera impossible de changer de nom, donc de disparaître corps et biens. Ce ne pourra être qu'un dernier recours. Dans un premier temps, Max s'est forgé un curriculum vitae en béton qu'il enverra un peu partout sitôt acquis ses nouveaux papiers. Vers la fin de ce mois, il ira déclarer le vol de sa carte d'identité. Il en demandera une nouvelle au nom de François Maréchal. Le dit François, qui vit toujours à l'autre bout de la France, a joué au pied bleu autrefois, et Maxime à cette occasion a eu accès aux détails de son état civil, grâce à quoi il va pouvoir se faire envoyer un extrait d'acte de naissance indispensable à toute demande de carte d'identité. François Maréchal, Faustine trouve que ça sonne bien. Faustine Maréchal aussi, c'est joli, on peut rêver. Quelques jours plus tard, coup de tonnerre dans le ciel de la Marie-Garde. En faisant le ménage, mais surtout en préparant sa fuite, c'est-à-dire en subtilisant discrètement certaines photos souvenirs qu'il ne veut pas laisser derrière lui, Maxime est tombé sur une enveloppe collée au dos d'un tableau. Et dans cette enveloppe, il a découvert le rapport d'un détective privé niçois. Il y est écrit que M. Malikian ne s'est pas présenté seul à l'hôtel Victoria de Glion sur Montreux, fin juin, début juillet, qu'il y était avec une femme, qu'il a, pour cette raison, exigé qu'on lui échange sa chambre simple contre une suite double. Les accompagnantes n'étant pas tenues de présenter leur passeport, le portier de l'hôtel n'a pu donner plus ample information sur l'identité de la femme en question. Ah, cette coquine d'Hélène! Utilisant l'argent du ménage, elle a envoyé un privé en Suisse pour tenter de coincer son mari. Tout ça parce que Maxime ne s'est pas assez méfié. Aussi, comment aurait-il pu imaginer que sa secrétaire, par ailleurs grande amie de son épouse, le trahirait sur une bête question de location de bagnole, forcément puisque Faustine et lui sont montés avec la sienne. Mis au pied du mur, sommé de se justifier, il a prétendu avoir préféré s'en occuper lui-même auprès de la filiale Hertz de Cointrin pour éviter de tomber sur un veau comme la dernière fois. La secrétaire s'est vexée. Hélène a tiqué, mais comme il était trop tard pour vérifier sur la liste des passagers d'Air Inter si son époux avait bien pris ce vol, elle a carrément envoyé un détective en Suisse. Faustine ignore encore aujourd'hui comment Maxime s'y est pris pour se disculper, prouver que ce rapport n'était que foutaise et biveusée. Fausse facture Hertz, faux billet d'avion, demande de contre-expertise, corruption du mouchard. Toujours est-il qu'il est réapparu triomphant, totalement blanchi, grâce à un peu de colle blanche et une paire de ciseaux. C'est fou ce qu'on peut faire avec un photocopieur, a-t-il encore précisé en riant. Faustine est épatée. Avec un tel homme, comment craindre l'avenir? Le tel homme en question ne ménage pas sa peine, malgré les critiques acerbes et sceptiques de maman Muller, qui tombe à chaque nouvel incident, comme autant de pierres dans son jardin. Patiemment, obstinément, dans ses courriers tri-hebdomadaires, Maxime noircit des pages justificatrices. Il a intérêt à convaincre sa belle, qui commence à en avoir sérieusement marre de servir de punching ball entre sa mère et son amant. Défendre la cause de l'un contre les attaques de l'autre est loin d'être agréable. D'autant qu'elle ne sait toujours pas se taire et manque singulièrement d'expérience dans le domaine de l'argumentation. Elle trouve bien les mots imparables, mais toujours quand plus personne ne peut les entendre. C'est vraiment pas de bol. Par ailleurs, Maxime a l'art de faire passer la pilule. « Et si tu venais avec moi à Stockholm en octobre ?»« Bien sûr, jubile Faustine, sachant déjà que maman, connaissant l'addiction de sa fille pour les voyages, n'opposera pas son veto. » Elle a tout juste le temps de mettre un peu d'argent de côté pour son billet d'avion, sachant que ce qui manquera, elle le remboursera au retour. Maxime lui a de nouveau expliqué qu'il ne peut pas se permettre de sortir de trop grosses sommes de son compte. Si Faustine accepte de l'accompagner, elle paye son voyage, lui-même se chargeant de l'hôtel, payé par sa boîte, et de la nourriture. Faustine trouve cela tout naturel. Après tout, elle gagne sa vie. Elle tient beaucoup à montrer qu'elle n'est pas vénale. Surtout depuis que maman, l'empoisonneuse, a proféré. Quel radin, ce type! S'il te veut, il n'a qu'à payer! Fin septembre, Maxime parcourt les USA. Membre de la commission qui fixe les normes I3E, Institute of Electrical and Electronic Engineers, au niveau mondial, il doit présenter plusieurs documents. Entre deux congrès, il a agendé des entretiens au nom de François Maréchal auprès de plusieurs sociétés d'électronique. Il écrit à Faustine depuis Boulder dans le Colorado les gymnastiques insensées qu'il a exécutées. Commenter un papier à Denver, interview à Rochester le soir, à New York en fin de matinée, et le lendemain, retour à Boulder, pour assister à une dernière réunion avant de s'envoler pour l'Europe. Il ne sait pas trop ce que ces ballons-sondes pour du boulot vont donner, mais il n'est toujours qu'au commencement de ses recherches. Il poursuit avec ses aventures de bourlingueur. Une des compagnies aériennes a fait du surbooking et vendu sa place. Il râle, bien sûr. En compensation, on lui propose $100 de dédommagement, une voiture gratuite pour rallier un aéroport intermédiaire. À 120 km de là, il pourra y attraper une nouvelle correspondance. Maxime est épaté. Ces ricains sont vraiment doués en affaires. Il ajoute. Un soir, au cours de ses déambulations, il s'est retrouvé dans une sorte de no man's land, perdu entre les pistes d'un aéroport gigantesque. Il s'est senti si petit et insignifiant. Il a pensé, bel endroit pour s'évaporer dans la nature. Chez lui, suivant scrupuleusement le plan érigé pour dégoûter sa femme, Maxime joue les hypochondriaques, devient distrait, maladroit, vulnérable. Sa virilité n'est plus ce qu'elle était. Manque de libido qui suscite parfois un léger mépris. Hélène prend de l'assurance. Paradoxalement, il constate avec plaisir qu'après s'être fait renvoyer dans les cordes pour manque de confiance flagrant, autant qu'injuste, elle tente de se faire pardonner le coup foireux du détective privé. Elle aligne les bons petits plats, s'est acheté des dessous sexy et regorge de gentillesse. Seule déception, elle a raté son examen de conduire théorique, ce qui retarde d'un bon mois son accès au permis de conduire et à l'autonomie résultante. Comme prévu, maman a accordé congé et autorisation pour Stockholm. Ignorant si Hélène accompagnera son mari à l'aéroport, Faustine s'est équipée en conséquence. Elle a demandé à sa mère de lui prêter sa nouvelle perruque rousse. La jeune femme prend un plaisir fou à se déguiser, se maquiller, se transformer. C'est impressionnant comme l'anonymat peut vous désinhiber. Presque autant que l'alcool dont Faustine se sert pour calmer les angoisses qui la taraudent régulièrement depuis l'adolescence. Ce soir, c'est la seconde fois qu'elle prendra l'avion. Elle est à la fois surexcitée et anxieuse. Deux bonnes raisons de ne pas boire de l'eau de source. Pour ne pas trop penser, elle s'occupe. Maxime lui a demandé de passer à Saint-Gelais pendant la pause de midi pour récupérer quelques documents. Faustine s'y rend. « Déguisée en pute, dit-elle en éclatant de rire. Maxime approuve, mais lui conseille tout de même deux ou trois atténuations. Un peu moins de rouge sur les joues et les lèvres, de noir sur les yeux. Parfait, personne ne la reconnaîtra ce soir. Il lui donne ensuite le billet d'avion qu'il s'est procuré pour elle, lui recommandant bien d'aller se faire enregistrer dès l'ouverture, afin qu'ils ne se retrouvent pas ensemble devant le guichet. Faustine franchit les portes de l'aéroport Nice-Côte d'Azur une bonne heure avant l'horaire prévu. Elle aime tellement cette ambiance des départs, cette fébrilité anticipatrice, qu'elle s'immerge totalement. Pour elle, ça fait partie de l'aventure, peut-être plus encore que le séjour lui-même. Comme Maxime l'a exigé, elle n'a pris qu'un baiser en ville. Quelle horreur cette expression! Elle en a été choquée la première fois qu'elle l'a entendue. Mais Maxime s'est tellement moqué de sa pudibonderie qu'elle s'est renfermée dans sa coquille. Faustine déteste ce qui est grivois et salace. De même que tous ces bruits incongrus, rauds, épais, qui font tant rire la gent masculine. Sitôt l'ouverture des guichets, elle est allée s'enregistrer. Puis, après avoir déambulé entre les boutiques et les kiosques à journaux, elle s'est rendue au bar. Là, malgré l'heure indue, mais en est-il une pour boire? Oui, elle est. Elle commande un whisky. Ce n'est pas qu'elle aime vraiment ça, mais elle sait d'expérience que c'est encore le plus efficace en cas de stress. Un homme, ni beau, ni laid, juste souriant, s'installe à ses côtés, entame une conversation en anglais. « May I introduce myself? My name is James. How do you do? » Faustine répond de son mieux, profitant de son déguisement pour faire la coquette. Se rend-il compte de l'usurpation? Non, et il lui sort le grand jeu. Lui offre un second, puis un troisième verre, quémande son numéro de téléphone, tente de la faire rire, voudrait savoir à quel hôtel elle descend à Stockholm. Faustine boit, joue, rit, s'amuse, papillote, jusqu'à ce que son œil perçoive, dans le lointain, l'inimitable démarche de Maxime. Aussitôt dégrisée, elle remercie James bien bas, lui dit goodbye sans scrupule, va prendre sa place dans la file à quelques mètres de Max. Elle se sent bien un peu ridicule sous le regard narquois de l'hôtesse, mais elle retrouve vite le sourire en s'asseyant aux côtés de Maxime dans le fond de l'avion. Avant de l'embrasser, au risque de lui en mettre partout, elle décide d'enlever les couches de maquillage qui commencent à la démanger. Elle a prévu une grosse boîte de crème N, bien grasse, la seule qui convient à son type de peau, ainsi qu'un paquet de mouchoirs en papier. Sa ceinture est attachée. L'avion attend le feu vert en bout de piste. Faustine, perruque rousse sur les genoux, cheveux châtains bouquets courts sur la tête, s'épluche le minois consciencieusement jusqu'à retrouver sa couleur d'origine. Elle termine son nettoyage laborieux, désormais reconnaissable entre toutes. C'est alors que, levant les yeux de son miroir de poche, elle surprend droit devant un regard stupéfait. « James, ça alors pour une surprise !»